Merci d'être avec nous dans ce journal dont voici tout de suite le sommaire. Le gouvernement burundais devrait débloquer les annales du personnel de l'Université du Burundi bloqué depuis 2016. Demande émise ce vendredi lors d'une assemblée générale des syndicats de ce personnel. Vous entendrez Dr Désiré Nissouire. Et droits des enfants en père de famille retenu depuis ce jeudi au cachot de la police de Lomongue pour avoir causé des lésions corporelles volontaires graves à son fils qui lui aurait subtilisé 1500 francs burundais dans sa boutique. Dans ce journal, la rédaction vous propose également les avis de la population de Bujumbura sur l'annonce de la hausse du prix du sucre. Voilà pour le sommaire. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Le gouvernement du Burundi devrait débloquer les annales du personnel de l'Université du Burundi bloqué depuis 2016, tel que le demande le syndicat du personnel. Désiré Nissouire, président du syndicat du personnel enseignant, dans une conférence de presse ce vendredi, a déclaré ne pas comprendre pourquoi le ministre de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique ne met pas en application le décret présidentiel exigeant ce déblocage administratif et de carrière, tout en faisant remarquer au ministre de l'Éducation que le délai de 4 ans de blocage a déjà expiré. On écoute Désiré Nissouire. Parmi les conclusions de cette réunion, il fallait généralement adresser une correspondance à son excellence, monsieur le ministre de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique, et pour généralement demander de vider la question liée au déblocage administratif et avancement fictif des différents personnels de l'Université du Burundi. L'année du problème a commencé avec généralement l'année 2015, où généralement il fallait organiser les élections. Et puis, comme les bailleurs avaient tourné le dos au gouvernement, le gouvernement a jugé bon à ce que les Burundais puissent préparer les élections eux-mêmes. Et parmi les mesures, non seulement arrêter les annales, on nous a généralement payé 10% sur nos salaires pour financer les élections. Ce que donc les enseignants, le personnel de l'Université du Burundi n'ont jamais été contre ça. Mais il y a eu un moment où ça devrait s'arrêter. Notamment, ça devrait passer une année. Mais les annales ont été bloquées jusqu'à aujourd'hui. Et puis on a ajouté qu'on va les débloquer après 4 ans. Mais les 4 ans, maintenant, on arrive à 8 ans. Pour vous dire que le même salaire qu'on percevait en 2015, c'est le même salaire qu'on perçoit aujourd'hui, en 2023. Et on les a dit que, généralement, le ministre de l'Éducation n'a pas pu, généralement, nous convaincre. Il nous a exposé un manque de décret pour appliquer le déblocage. Mais nous, on disait que le déblocage, ça n'a rien à voir avec un décret. Parce que débloquer quelqu'un qui a été bloqué, il suffit tout simplement de regarder ses cotations depuis 2015 jusqu'en 2023 et, généralement, ériger son salaire actuel. Ce que le ministre ne comprend pas de la manière. Désiré Nissouire, c'est le président du syndicat du personnel enseignant de l'Université du Burundi. Le 28 juillet de chaque année, le monde célèbre la journée dédiée à la lutte contre l'hépatite. Le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida fait remarquer que l'hépatite est une infection qui entraîne une dégradation de la structure normale du foie, empêchant ainsi le bon fonctionnement de cet organe. Le thème retenu pour l'édition de cette année, à savoir « Une vie, un foie », vise à mettre l'accent sur le lien entre l'hépatite virale et l'inflammation du foie. Et dans un communiqué parvenu à notre rédaction, le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida montre qu'au Burundi, les études parcellaires déjà réalisées font état de séroprévalence de l'hépatite B variant entre 5 et 10%, alors que celle de l'hépatite C approche 10% et augmente avec l'âge. La hausse des taxes prévues dans le budget général de l'État exercice 2023-2024 ainsi que la faible production du pays sont parmi les facteurs qui causent la hausse des prix qui s'observe ces derniers jours. Le président de l'organisation de lutte contre la corruption, l'UCOM, qui le dit, indique que la difficulté réside aussi dans le fait que le budget de fonctionnement dans le budget général de l'État dépasse largement celui d'investissement. Selon Gabriel Rufiri, procéder à la hausse des prix des produits de première nécessité risque de victimiser des populations déjà démunies. Suivez les explications de Gabriel Rufiri, président de l'Olicom. On peut citer quelques facteurs qui justifient cette hausse. Le premier facteur, c'est vraiment la recherche des taxes. C'est vrai, le gouvernement a besoin des taxes. Mais les taxes, il faut le savoir, doivent revenir aux citoyens à travers le principe de la redistribution des ressources. Je vous donne un exemple simple. Le budget général de l'État, exercé 2023-2024, le gouvernement a introduit 50 nouvelles taxes qui concernent plus particulièrement les citoyens. Ces nouvelles taxes, à part la taxe sur fortune qui a été introduite et qui concerne les riches, les autres taxes concernent les citoyens lambda. C'est vraiment problématique. Et quand vous regardez au niveau de la redistribution de ces ressources, de ces taxes, le budget qui concerne les investissements publics, donc la production en fait, le gouvernement a revu à la hausse son budget à 33%. Mais le budget orienté à la consommation a été revu à la hausse à la hauteur de plus de 68%. Donc, avec cet équilibre, il est très difficile de croire à la production. C'est par ailleurs cette raison que nous voyons toujours la réfraction grimper. Prenons à titre d'exemple, réfraction en juillet 2022, on était à 17%. Mais réfraction en juin 2023, on est à 27%, plus de 27%. Donc, cela est dit en fait au manque de production. C'est pour cette raison que l'ORICOM vraiment fait un appel vibrant à l'autorité publique de contacter les experts et de mettre en application les recommandations des experts, mais aussi de mettre en application les recommandations que souvent ces experts donnent. Gabriel Rufsiri, président de l'ORICOM, et parmi les récentes augmentations annoncées, c'est la hausse du prix du sucre qui passe de 2500 à 3300 francs burundais, et ceux qui se sont exprimés au micro-baladeur de la radio-télévision Isanganiro lui demandent au gouvernement au moins de rendre disponibles ces denrées de première nécessité. Le prix est trop élevé parce que de 2500 francs bourg à 3300 francs, c'est trop. Une tasse de thé se vendait à 200 francs bourg. Mais maintenant que c'est à 3300 francs bourg le kilo de sucre, le prix des tasses va monter. Et les gens ne seront pas tous d'accord de payer plus. Les beignets se vendaient à 200 francs bourg. Mais maintenant que ça a augmenté, on peut mettre à 300 francs bourg. Car si on le vend à 200 francs, un petit, les clients se plaignent. On ne peut pas arrêter de travailler parce qu'il y a une hausse des prix, sauf que les clients auront du mal à s'habituer au nouveau prix. Nous demandons à l'État de diminuer au moins les prix pour que chaque personne soit satisfaite d'avoir quelque chose avec les peu d'argent. Pour nous qui travaillons dans les boutiques, ça devient difficile d'acheter du sucre parce que c'est cher. Ça nous met en conflit avec les acheteurs puisque c'est le gouvernement qui a fixé. S'ils augmentent le prix, on sera obligé d'accepter. S'il y a les sucres, les acheteurs vont comprendre. Nous, en tant que la population d'ici à Bujumbura, vraiment nous avons mal accueilli la hausse de certains produits. On a mis à la hausse les sucres. Vraiment pour nous, nous avons mal accueilli cette mesure. Alors, nous demandons à notre cher gouvernement qu'il puisse faire tout moins possible, voir comment, même s'ils ont mis à la hausse les sucres, nous voulons c'est que les sucres continuent à être produits comme il faut. Que s'il y a un manque de sucres, vraiment, nous avons beaucoup, beaucoup de problèmes. Tu vois, il y a nos enfants qui sont en vacances, il y a les malades, il y a les gens qui font leur travail à propos du sucre. Alors, si la pénurie de sucre continue, vraiment, nous sommes en train d'aller dans un chaos qui est chaotique. Nous ne savons pas dans quel sens c'est voué ces derniers temps. Nous demandons au gouvernement de faire tout le moins possible et voir comment est-ce que ce produit peut être retrouvable. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. La suite de ce journal. Un jeune garçon de la colline Tchachi, en commune Bougarama de la province Rumonge, a été blessé au niveau du bras gauche à l'eau bouillante. Les sources administratives sur place indiquent que l'auteur de cet acte est son père. Pour 1500 francs burundais pris dans sa boutique sans son autorisation, le père de la victime est retenu au cachot de la police de Rumonge depuis ce jeudi. Il est poursuivi pour lésions corporelles volontaires graves contre son fils, selon le commissaire provincial de la police à Rumonge, d'où nous appelons notre correspondant Jean-Pierre Misako. Les informations selon lesquelles un homme de la colline Tchachi a brûlé son fils à l'eau bouillante après l'avoir violemment giflé sont parvenues à l'administration locale ce 25 juillet 2023 selon le chef collinaire de Tchachi. Mais l'incident serait survenu avant pour une somme de 1500 francs burundais que ce jeune garçon aurait pris dans la boutique de son père sans son autorisation préalable, selon son responsable collinaire, ayant trouvé les plaies du jeune garçon commençaient à se cicatriser. Le père de la victime, présumé auteur de ces brûlures, s'est d'abord caché avant d'être arrêté ce 27 juillet 2023 par la police de Bugarama, qu'il a directement transféré au cachot du commissariat provincial de Rumonge. Le commissaire provincial de police de Rumonge confirme cette rétention pour enquête sur ces lésions corporelles volontaires graves qu'il aurait infligées à son fils pour être traduit ensuite à la justice. Au niveau de la Fédération nationale des associations engagé dans le domaine de l'enfance au Burundi, antenne provinciale de Rumonge, qui suit de près ce cas, et au niveau de l'administration locale, l'on s'inscrit en faux contre ce genre de punition consécutive à une colère incontrôlée, et l'on voudrait que la justice soit rendue à la victime. Jean-Pierre Misago de Rumonge, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Misago. Et une peine de servitude pénale de 5 ans et une amende de 250 000 francs burundais chacune. Telle est la peine prononcée par le tribunal de grande instance de Kayanza contre cette personne des communes Muhanga et Ngozi accusée de trafic des êtres humains. Cette sentence a été prononcée à l'issue d'un procès de flagrance ce jeudi après-midi dans lequel ces personnes ont été accusées d'avoir recruté 43 enfants dont beaucoup parmi eux sont des mineurs et c'était pour aller les faire travailler dans des champs en Tanzanie. Les prévenus ont plaidé coupables. Une information de notre correspondant Patrick Sengiyumva que nous retrouvons à Kayanza. Benoît Ndayizeye, administrateur communal de Muhanga, fait savoir que depuis samedi le 22 du mois courant, l'administration détenait des informations selon lesquelles des enfants étaient en train d'être recrutés pour aller travailler en Tanzanie, pays voisin, et que la police et le parquet de Kayanza en ont été informés. Parmi les recruteurs de ces enfants, lesquels d'ailleurs ont comparu devant le tribunal de grande instance de Kayanza dans le procès de flagrance de l'après-midi de ce jeudi, 4 sont de la commune de Muhanga et 3 autres de la commune Ngozi. L'officier du ministère public à Kayanza a accusé les prévenus du trafic des êtres humains conformément à l'article 10 loi numéro 1 du 28 au 29 octobre 2014 portant prévention et répression de la traite des personnes et protection des victimes de la traite. Les accusés ont plaidé en aveu complet étant donné que beaucoup d'entre les enfants recrutés pour aller travailler dans des champs en Tanzanie ont un âge variant entre 12 et 17 ans, donc des mineurs. Le procureur du parquet de Kayanza a demandé au tribunal de grande instance de Kayanza de punir les accusés par une peine de servitude pénale de 5 à 10 ans et une amende de 500 000 chacun. Après la mise en délibéré du procès, le tribunal de grande instance de Kayanza a indiqué que les accusations de l'officier du ministère public à Kayanza aux prévenus sont fondées et a prononcé contre les prévenus une peine de servitude pénale de 5 ans et une amende de 250 000 chacun et en cas de non-paiement de cette amende, une année de servitude pénale qui s'ajoutera à ces 5 ans. Quant à une somme de plus d'un million de francs saisis à ses prévenus, le TGI Kayanza a fait savoir que cet argent sera versé dans le trésor public. Au niveau de la Fédération nationale des associations engagées dans le domaine de l'enfance au Burundi, antenne Kayanza, l'on se dit inquiet de la recrudescence et des enfants qui sont recrutés en commune Muhanga pour aller travailler en Tanzanie, étant donné que beaucoup d'entre eux d'ailleurs se rendent dans ce pays après avoir abandonné l'école. Depuis Kayanza, Patrice Sengiyumva pour la radio Isanganiro. Le Burundi n'a pas pu organiser des élections véritablement démocratiques depuis 2010, d'après le professeur Denis Vanchimiyoussa. Dans une conférence débat organisée ce vendredi, ce politologue a déclaré que le principal enjeu du législateur burundais en matière de loi électorale est le contrôle du processus électoral, souvent taillé sur mesure. Toujours selon cet enseignant d'université, Denis Vanchimiyoussa, il faudrait mettre en place un code électoral qui favorise tout le monde, notamment en ce qui concerne l'accès à la justice en cas de contentieux électoraux. Il faudrait commencer déjà par la terminologie. Il y a beaucoup de concepts qui sont inappropriés, d'autres très mal expliqués et qui forcent alors le déroulement du processus électoral. La deuxième chose, c'est qu'il faudrait mettre en place un code électoral qui puisse permettre aux différents compétiteurs de cester en justice, comme je l'ai dit. Lorsqu'il y a un candidat qui se présente à l'élection, contrairement à la loi, il faut que d'autres candidats puissent porter plainte. Mais ce n'est pas le cas. Il faut aussi qu'il y ait accès facile à l'arbitre et aux juges, en même temps qu'il faut donner la chance aux citoyens ou aux compétiteurs d'avoir un second niveau de recours. Là où on dit que les décisions de la CENI sont sans recours. Ça, c'est violer le droit à la justice. Là où on dit que les décisions de la Cour constitutionnelle sont sans recours. Alors, vous bloquez le tout. Donc, il y a une injustice, vous portez plainte à la Cour constitutionnelle, c'est la première instance et c'est la dernière. Cela ne devait pas se faire ainsi. Donc il y a plusieurs choses à changer. Ça, ce ne sont que des exemples. C'était le professeur Denis Vanchimiyoussa. Radio Isanganiro, chronique environnement. Les eaux polluées peuvent avoir de graves conséquences sur la vie des poissons dans le lac. Dans la chronique environnement ce vendredi, le professeur Gaspard Nakimazi, enseignant d'université, expert en environnement, nous parle des conditions essentielles pour une bonne vie de poissons dans le lac. Comme tout être vivant, ils ont besoin non seulement de la nourriture, mais aussi de l'air et de l'oxygène. Plus de détails avec Léonce Vitaliou. Tous les êtres vivants ont naturellement besoin de bien manger et boire, de bien respirer, d'une bonne température, etc. C'est donc le cas pour les poissons dans l'eau, comme l'explique professeur Gaspard Nakimazi, enseignant d'université, expert en environnement. Dans la vie de poisson, c'est comme tous les êtres vivants. C'est d'avoir un bon milieu où les conditions extérieures sont favorables et être bien nourri, donc une alimentation. Avec ça, ça leur suffit très largement. Alors le bon milieu, je vous ai dit, la température ici chez nous, elle est favorable toute l'année. C'est pas un problème. Et ils ont besoin de l'oxygène. Ici, dans le lac, par exemple chez nous, l'oxygène se trouve dans la partie superficielle du lac. Les poissons ont notamment besoin d'oxygène, lequel ne se trouvait pas à tous les niveaux des eaux. L'exemple, dans les eaux du lac Tanganyika, l'oxygène se trouve dans la partie superficielle. L'oxygène se trouve dans la partie superficielle du lac, là, de 2-0, disons vers 60 mètres, 80. En zone de 80-100 mètres, il n'y a plus d'oxygène. Donc les poissons sont dans la partie superficielle. Même dans la partie superficielle, l'oxygène peut diminuer très fortement suite à la, par exemple, à des perturbations de l'homme. Par exemple, si l'eau est polluée, par exemple, s'il y a de la matière organique qui pourrit dedans, en pourrissant dedans, ça détruit l'oxygène dans l'eau. Donc, s'il n'y a pas d'oxygène dans l'eau, les poissons ne vont pas vivre là, ils vont partir. La pollution des eaux du lac est un danger pour la vie des poissons, selon toujours professeur Gaspard Nakimazi. Les poissons risquent même de disparaître si l'homme, principal responsable de cette pollution, n'y prend pas garde. Ils vont foutre le camp, ils vont s'enfuir. Ceux qui ne sont pas empoisonnés de manière mortelle très rapidement, ils vont partir ailleurs. Donc, en milieu pollué, on ne va pas y trouver des poissons, tout simplement. Et alors, ça c'est donc pour les conditions. Ils ont quand même besoin que l'eau soit assez claire, pas trop trouble, parce que l'eau doit être transparente pour permettre la lumière d'entrer, pour permettre la croissance des petites algues microscopiques qui sont, eux, la nourriture des petits animaux microscopiques que mangeront les poissons, qu'on appelle les zooplanctons. Donc, s'il n'y a pas de lumière, si l'eau est trop trouble, il n'y aura pas de poissons non plus. Alors, il faut qu'ils aient à manger. Il y en a beaucoup qui mangent des algues, il y en a même qui sont herbivores. Il y a d'autres poissons qui mangent alors d'autres poissons, comme les moutiers, les nonzis, tous les autres, ceux-là, ils mangent des feuilles. Une mesure de fermeture des eaux du lac Tanganyika a été prise pour 3 mois à partir du 15 mai 2023. et quelle en serait l'utilité? Rendez-vous dans la prochaine chronique Environnement. Et c'est par là que nous bouclons ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.